Le comité préparatoire national népalais pour la célébration de la journée du soleil a récemment tenu une réunion. Y ont pris part les personnalités de divers partis politiques et formations, y compris le comité central du Parti communiste népalais marxiste-léniniste et l'association des journalistes népalais pour l'étude des idées du Juche et de la politique de Sun Gun. On y a discuté des problèmes pour célébrer significativement la journée du soleil et renforcer davantage le mouvement de solidarité en faveur des militaires et civils coréens qui militent dynamiquement pour la défense du socialisme tout en déjouant les menées de suppression des impérialistes avant d'adopter une déclaration. La déclaration a appelé les peuples progressistes du monde à célébrer solennellement l'anniversaire de naissance du président Kim Il-sung qui a contribué grandement à l'accomplissement de la cause d'émancipation de l'humanité.